Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. لعل الخبر قد انتشر وأكثركم قد علمه، ومع ذلك أذكره مع صعوبة التلفظ به، إلا أن شيئا من معرفة الله سبحانه وتعالى يجعله أسهل وأدعى للقبول والصبر والرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Donc avant de commencer le cours, probablement que la plupart d'entre vous ont reçu cette nouvelle, mais je vais la citer malgré la grande difficulté qu'on sait moi sortir. Malgré tout ça, le peu de connaissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, de science qu'Allah azza wa jalla nous a accordé, fait que cette information est plus facile à accepter et à supporter. Car on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sarhamur rahimin, celui qui a la miséricorde parfaite, et celui qui est sage dans ce qu'il fait et dans ce qu'il décrète. Donc, je n'ai pas préparé de long discours. Qu'Allah azza wa jalla nous facilite à tous. Ahsin khatimatana. Donc, ma mère est décédée, rahimahallah, hier, en début d'après-midi. Et inshallah, il y aura salat jinaza demain, à midi, inshallah, dans la mosquée. Donc, il y aura la prière, inshallah, sur elle demain, à midi, dans cette mosquée. Celui qui peut y assister, le verra Allah khayra. Et tout ce dont, et dans ce qu'Allah Azza wa Jal décrète, il y a un khayr azim, une sagesse que le serviteur connaît ou qu'il ignore. Mais ce sur quoi le musulman n'a pas le droit de douter, c'est qu'Allah Azza wa Jal est sage. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut plus le bien pour ses serviteurs qu'on le veut nous-mêmes, pour nous, nos proches et nos bien-aimés. Alhamdulillah. Celui qui meurt sur l'islam, un grand bien attend après sa mort. La ilaha illallah. Alimun azim. La ilaha illallah. Rabbul arshil. La ilaha illallah. Rabbus samawati wa rabbul arshil. Rabbul arshil. On va prendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous aura facilité de ce cours. Et j'ai tenu à maintenir ce cours. لأن الموت لا يوقف الحياة والمصائب لا تشغلنا عن الأمر الذي لأجله خلقنا توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. J'ai tenu à maintenir ce cours pour qu'on se montre mutuellement que la mort n'arrête pas la vie et que les malheurs et que les épreuves ne doivent pas nous distraire de ce pourquoi nous avons été pris. Tawhidullah subhanahu wa ta'ala et l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne dois pas oublier ce pourquoi tu as été créé. Tu ne dois pas être distrait de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas être distrait de la science utile, des actions pieuses, quelle que soit la lourdeur de l'épreuve. Et qui peut savoir ce que vit celui qui est séparé momentanément de celle qui l'a mise au monde. Allah musta'an. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. Nous entrons dans le chapitre numéro 27, numéro 25, pardon, concernant les voyants et ceux qui leur sont semblables. Donc ce qui est venu au sujet des voyants et de ceux qui leur sont semblables. Ay min at-taghlidh wal-wa'id. Ma ja'a ay min at-taghlidh wal-wa'id fil kuhan wa nahwihim kal-arrafin wal-munajjimin. Al-kuhan wa ujma' aydan 'ala al-kahanah jam'u kahin. والكهانة ضابطها ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب. La voyance, c'est le fait de prétendre connaître les choses de l'invisible. وما يخبر به الكهان من الأمور الغيبية لا يخرج عن ثلاثة أمور. Et ce que citent les voyants concernant les choses de l'invisible ne sort pas de ces trois catégories. أولا الأمور المستقبلة من طريق ما يلقي عليه مسترق السمع من الجن يسترقون السمع مما يلقي الله سبحانه وتعالى من الأمور أو من الأوامر الكونية وتتناقلها الملائكة فيما بينهم فيسمع مسترق السمع شيئا من ذلك ثم يلقيه إلى الكاهن. La première catégorie, les choses concernant le futur. Les choses concernant le futur. Et comme nous l'avions cité dans un hadith passé, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle, les anges reçoivent cette parole et cela transmet. Et il y a des djinns qui tentent d'écouter certaines de ces informations, puis transmettre cela au sorcier, au voyant. Ce dernier prend cette bonne information et en ajoute et ajoute une centaine de mensonges. Vous vous souvenez de ce hadith? Donc c'est la première façon, c'est la première catégorie, c'est qu'il informe de choses à venir par l'intermédiaire des djinns qui prennent ces informations de la sorte. ثانيا عن طريق إخبار الجن بالأمور الواقعة الغائبة عن الناس مما للجن عليه قدرة كإخبار محل الشيء الضائع وما أشبه ذلك. Deuxièmement, le voyant peut citer des informations qui lui proviennent des djinns. Ces informations concernent les choses qui se passent fi dunya, qui sont dans leur capacité, dont la connaissance entre dans leur capacité. Par exemple, les djinns ont une, certains djinns, ou les djinns ont une capacité à se déplacer d'une manière très rapide. Donc, il peut savoir dans tel endroit ce qu'il y a. D'accord? Par exemple, dans tel autre pays. Puis il vient informer le voyant de cette chose. Alors le voyant cite cette information et les gens pensent qu'il connaît la science de l'invisible. Mafhoum, c'est compris? Donc le djinn peut donner une information au voyant qu'il a vu lui-même ou qu'il a entendu lui-même qui est dans un autre endroit ou une chose perdue. Il l'informe de cette chose perdue. Donc, c'est la deuxième ma'adha catégorie. ثالثا إخبارهم لا عن سبب بل محض كذب وهذا الأكثر. Donc la troisième catégorie, les informations mais qui ne sont purement que mensonges, et c'est la plupart des informations des voyants. Donc sans cause, sans shayatin, sans djinn, ainsi de suite, ils mentent tout simplement. قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم على من تنزل بهم الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Donc parmi les caractéristiques de ces gens, le mensonge. أما الأمور التي تدرك بالحساب فلا تسمى كهانة. Par contre, les choses qu'on peut savoir à l'aide de signes, à l'aide de calculs, on n'appelons pas cela de la voyance. Comme une partie de la météo. Il y a des signes qui peuvent nous aider à savoir des choses ayant un trait au climat ou à la chaleur et ainsi de suite. On ne va pas dire que c'est de la voyance car il y a des causes pour savoir cela. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre, le livre de l'unicité? الكهان يدعون علم الغيب ولقد اختص الله سبحانه وتعالى بهذا العلم فمن أثبت هذا لغير الله فقد جعل شريكا لله تبارك وتعالى فيما اختص به. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid car la connaissance de l'invisible est une des choses qui sont propres à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui affirme qu'autre qu'Allah connaît les choses de l'invisible aura donné un associé à Allah dans cette chose qui lui est propre. C'est donc la définition même du shirk akbar. Tasfiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. فهذا شرك أكبر مضاد للتوحيد. Donc ceci entre dans le polythéisme majeur qui annule le tawhid de la personne. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم ومن حق صد وفي حق من صدقهم من الوعيد. Donc l'auteur a voulu à travers ce chapitre montrer la gravité de la voyance, ce qui a été préparé pour eux, pour les voyants, et également la gravité de reconnaître comme étant véridique ces gens-là et leurs parents. Deuxièmement, Haoula يستخدمون الجن ويدعون غير الله تبارك وتعالى وهذا يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا من الشرك الأكبر ولقد علمت في دروس مضت أن هذه الأمور لا تحصل إلا بالتقرب إلى الشياطين بصرف شيء من أنواع العبادة وإهانة المصحف وما أشبه ذلك. Deuxièmement, l'auteur a cité ce chapitre dans son livre, car les voyants utilisent afin d'avoir ces informations les shayatines et les djinns. Et ils les invoquent en dehors d'Allah Azza wa Jal et leur donnent de l'adoration pour avoir leur service. مناسبة هذا الباب لما قبله بعد أن ذكر الشيخ السحر وبعد أنواعه ذكر هنا الكهانة نظرا للمشابهة والمقارنة بين السحر والكهانة من جهة الاستعانة بالشياطين واستخدامه. Quel est le lien qui est entre ce chapitre et les chapitres passés? Après nous avoir parlé de la sorcellerie, de différentes formes de sorcellerie, ici l'auteur nous parle de la voyance. Car il y a des points communs entre le voyant et le sorcier. Tous deux cèdent des shayatins afin de parvenir à leur but. ما حكم الكهان؟ Quel est le jugement religieux sur la voyance et le voyant? C'est du kufrun akbar wa shirkun akbar. C'est du polythéisme majeur et de la mécréance majeure. Wa kufrun min jihatayn. De deux points de vue, c'est de la mécréance majeure. أولاهما من جهة ادعاء علم الغيب الخاص الذي استأثر الله في علم الغيب عنده. Premièrement, c'est de la mécréance majeure car le voyant prétend connaître la science de l'invisible que seul Allah connaît. Donc il s'est mis l'égal d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du polythéisme majeur. En prétendant connaître la science de l'invisible, il a démenti le Coran et la Sunna. Soit on dit que c'est une deuxième catégorie, soit on le fait rentrer également dans la première catégorie. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah dit dans le Coran, dit, personne ne connaît la science de l'invisible, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, excepté Allah. Le sorcier dit, ou le voyant dit, non, moi, je connais cela. Donc il a démenti Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui dément du Coran, tombé dans le polythéisme majeur, il est tombé dans le kufr akbar wa l'iyadu billah. Deuxièmement, istakhdamu ou yastakhdimuna al-jinna wa shayatin wa yusrifuna lahum min anwa'i al-ibadat wa al-qurubat. Deuxièmement, pour avoir les services des djinns et des démons, ils leur vouent des formes d'adoration. Ils égorgent pour eux des bêtes, ils les invoquent en dehors d'Allah, ou bien manque de respect au Coran et aux choses religieuses. Idan la shakka, yanna al kahin kafir. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que le voyant n'a aucune part dans l'islam. Le voyant n'a aucune part dans l'islam, même s'il prie, il jeûne et fait le hajj tous les ans. Car il est constamment dans les annulatifs de l'islam. Il lui faut se repentir, délaisser tout cela et revenir à l'islam. قال المؤلف رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. مسلم رحمه الله a rapporté dans son sahih, dans son recueil de récits prophétiques authentiques, d'après certaines épouses du prophète صلى الله عليه وسلم, que ce dernier a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque se rend chez un devin, lui demande quelque chose et croit ce qu'il a dit, sa prière sera rejetée pendant 40 jours. Quiconque se rend chez un devin, lui demande quelque chose et croit ce qu'il a dit, sa prière sera rejetée pendant 40 jours. Al-Arraf, اختلف أهل العلم في تعريفه في حده وفي فرق بينه وبين الكاذب. Pour définir le mot al-arraf, les savants ont divergé. Certains ont dit اسم عام لكل من يدعي علم الغيب. Al-arraf, ismun am, li kulli man yadda'i ilm al-ghayb. Al-arraf, c'est une appellation générale attribuée à toute personne prétendant connaître la science de l'invisible. La science de l'invisible, les choses que seul Allah Azza wa Jalla connaît. Ismun am, li kulli man yadda'i ilm al-ghayb. مستدلا بمقدمة وأشياء لهذا. بنحو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, هذا الذي رجح مما ذكر صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. Donc العراف, c'est une appellation générale qui est attribué à toute personne prétendant connaître les choses de l'invisible. إذن روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc l'épouse qui a rapporté cela est حفصة رضي الله عنها. صلى الله عليه وسلم dit من أتى عرافا, tu sais maintenant ce que signifie عراف, فسأله عن شيء, donc celui qui se rend auprès d'un devin, فسأله عن شيء, شيء نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء, celui qui se rend chez un devin pour le questionner sur une chose, quelle que soit cette chose, quelle que soit cette chose, فصدقه هذه الزيادة فصدقه ليست عند مسلم فصدقه هذه الزيادة ليست عند مسلم بل عند أحمد. Donc dans tous les livres de Sahih al-Bukhari, de Kitab al-Tawhid, on trouve le hadith comme on le voit ici, فصدقه, et l'auteur a attribué cette parole à affilier cela au recueil de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Mais sachez que la partie façade d'Akahu n'est pas dans le recueil de l'imam Muslim, mais elle est dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans le musnad de l'imam Ahmed. Donc l'auteur a cité ce hadith, le sens se rapproche du hadith qui est dans Sahih Muslim, mais ça n'est pas le hadith qui est dans Sahih Muslim. Il y a deux différences. Premièrement, فَصَدَّقَهُ n'est pas dans le recueil d'Imam Muslim. Et ici, nous avons أَرْبَعِينَ يَوْمَ dans la version d'Imam Muslim, لَيْلَ. Donc ici, on a 40 jours, dans la version d'Imam Muslim, c'est 40 nuits. Donc la version d'Imam Muslim est celui qui se rend chez un devin, lui demande quelque chose, sa prière sera rejetée durant 40 nuits. Il y a une grosse différence, il y a une grande importance à cela. Et peut-être que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith, pas directement de Sahih Muslim, mais de livres qu'il avait auprès de lui. Mais de livres qu'il avait auprès de lui, car on voit dans certains livres le hadith comme il est cité dans le Kitab Tawhid, et on annexe au recueil de l'imam Muslim. Donc peut-être que Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a pris ce hadith de ces livres-là. On voit cette version par exemple dans Riyad Salihin, Rawahu Muslim, comme elle est ici, et dans d'autres livres. D'autres savants ont dit peut-être qu'il a fait à la manière de certains muhaddiths. De certains muhaddithoun qui eux, lorsque la base est dans Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, ils disent Rawahu al-Bukhari ou bien Rawahu Muslim, même s'il y a une différence ensuite, tant que la base est dans le livre. C'est une des façons de faire chez les gens du hadith, chez certaines personnes du hadith. إذن عند مسلم السؤال فقط هذا جزاؤه لم تقبل له صلاة ماذا الصلوات مدة 40 يوما. Donc le simple fait de se rendre chez un devant, de le questionner, ça suffit pour avoir cette rétribution, pour que pendant 40 jours Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la prière de cette personne. Est-ce que ça veut dire qu'il ne prie pas? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que pendant 40 jours, il va accomplir la prière, mais n'aura pas de récompense. Pour dédommager la gravité de son action. C'est comme si les récompenses de ces 40 jours allaient venir pour Mada pallier au grand manquement qu'il a eu en se rendant chez le devin. Donc pendant 40 jours, il est obligé de faire la prière, mais il n'aura pas de récompense. C'est ce qu'il faut comprendre. Non pas qu'il arrête la prière ou qu'il aura rattrapé ses prières. C'est important. إذن مجرد الذهاب إلى العراق محرم ومع ذلك هذا جزاؤه وزيادة فصدقه عند أحمد. طيب ظاهر سند أحمد رحمه الله تعالى الصحة ومع ذلك خالف الثقات. Donc ici les savants en unissant différents ahadith se sont rendu compte que tantôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlait de la punition de celui qui se rendait chez un devin sans le croire. Dans d'autres hadiths, en le croyant. Comme on le verra. On remarque que celui qui se rend chez un devin, juste pour le questionner, pendant 40 jours, on n'accepte pas sa prière. Alors que celui qui croit le devin, dans la science de l'invisible que seul Allah peut croire, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Ce dernier a mécru, il sort de l'islam. Il a mécru à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la révélation. إذن ظاهر السند الصحة أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عند جمع الروايات يظهر أن هذه الروايات تخالف رواة آخرين ثقات. يعني رأوا الحديث بدون فصدقه كمحمد بن المثنى وصدق بن الفضل وبكر وعلي بن المديني رحمهم الله. ثانيا في المتن، يعني هذا المتن كانه يخالف متن ما روى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى فقد كافر بما أنزل على محمد جاء عن أبي هريرة وعن عمران وعن جابر وعن أنس وغيرهم. Donc, les savants ont discuté ce hadith. Les savants ont discuté ce hadith. Sans entrer dans les détails, pour celui qui comprend l'arabe, il a compris ce que j'ai cité. Fas man ata'arrafa. Afwan, man ata'arrafa. فسأل السؤال أنواع وبحسب السؤال يختلف الحكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui sort en champ devin et le questionne, sachez que de questionner le devin, ماذا peut se faire de manière différente pour des buts différents. إذا سأله للاختبار لاختبار هذا الكاهن وإظهار ضلاله وعجزه هذا لا بأس به وقد يكون واجبا ويؤجر عليه. إذن هذا الحديث لا يشمل هذا. Premièrement, questionner le devin pour le réduire à l'incapacité, pour le dévoiler, pour montrer son égarement et ses mensonges. Donc bien évidemment, ce type de question n'entre pas dans ce hadith. C'est permis de questionner le devin à cet effet pour celui qui a de la science et la capacité, pas pour toute personne. Donc cette chose, dans cette chose il y a un bien et ça peut même être obligatoire. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec Ibn Sayyad. Comme dans le hadith Omar radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن سياد فقال ماذا خبأت لك؟ فقال ابن سياد الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعدو قدرك. رواه البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a questionné un jeune, son ami ابن سياد, qui prétendait connaître les choses cachées. Il lui a dit, j'ai caché une chose. Le prophète sallam lui a dit, j'ai caché une chose en moi. Informe-moi de cette chose. Alors Ibn Sayyad a dit, dokh, ad-dokh. Le prophète sallam lui a dit, tu périsses. D'accord. Donc il l'a questionné pour montrer qu'il n'avait pas la capacité de savoir les choses cachées, les choses que seul Allah azza wa jalla peut connaître. Ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le deuxième type de question. سؤال مجرد هذا محرم وهذا معنى الحديث. Deuxièmement, poser des questions aux sorciers. Quel est le jugement de cette action? C'est haram et on n'accepte pas la prière de cette personne pendant 40 jours. Troisièmement, as-su'al ma'a at-tasdiq. Celui qui pose la question et qui croit en ses dires. Hadha kufrun. Li'annahu saddaqahu fi ma'rifati 'ilmi al-ghayb, wa hadha takdhibun lil-Qur'an. Qala Allah qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa Allah. Dans suratun ماذا النعم verset 65, Allah Azza wa Jal nous dit, personne ne connaît les choses de l'invisible dans les cieux ou sur la terre excepté Allah. Donc celui qui croit le devin et qui croit qu'il peut connaître les choses de l'invisible que seul Allah Azza wa Jal connaît, c'est de la mécréance majeure. Il aura donné un égal à Allah Azza wa Jal, wa li'iyadu billah. إذن يحفظ هذا الذي يعتقد أن أحدا سوى الله عز وجل يعلم علم الغيب المطلق هذا كفر بالله العظيم وشرك أكبر. Donc retenez que celui qui prétend connaître des choses de l'invisible de manière absolue, c'est-à-dire les choses que seul Allah عز وجل connaît, ou celui qui croit cette personne qui prétend connaître cela, alors c'est de la mécréance majeure et du polythéisme majeur. Ça doit être une croyance en toi. Personne ne connaît les choses de l'invisible en dehors d'Allah. Personne ne connaît les choses de l'invisible en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que ce soit les choses du futur, que ce soit les choses du passé, que ce soit les choses du présent. Certains ont dit, certains parmi les savants ont dit, que ça peut être du shirk asghar. Une autre catégorie, c'est de questionner le devin et de croire en une partie de ses dires. Certains ont dit que c'était du shirk asghar dans certains cas. Dans quel cas? Les wujud des shubha. Dans le cas où il y a une ambiguïté, où la personne qui a cru en ses dires pensait qu'elle connaît ces choses, mais par l'intermédiaire des djinns, qui eux avaient entendu les informations mada transmises entre les anges. Mustariq al-sama'. Vous avez compris? Donc il n'a pas dans sa croyance que le sorcier, que le voyant, peut connaître les choses que seul Allah connaît. Mais il a eu une ambiguïté. Il a eu connaissance du hadith qui dit que le djinn entend les informations qui se transmettent entre les anges et il vole par moment de ces informations. Puis il transmet cette information au voyant ou bien au sorcier. Alors cette personne ignorante s'est dit, c'est peut-être une de ces informations. Alors il y croit. Certains savants disent que dans ce cas-là, c'est du shirk asrar, c'est pas du shirk akbar, pour deux causes. Ça, il pense pas que le voyant connaît des choses de l'invisible, mais que ça vient de Mustariq al-Sam'a. Et deuxièmement, les wujud al-Shubha. Parce qu'il a une ambiguïté. Donc on va pas le kafar dans ce cas-là. Salah al-Shir a développé cet avis, et il a pris cet avis dans son sharh de Kitab al-Tawhid. Est-ce que vous avez retenu les quatre cas? Le premier cas, c'est de questionner le voyant pour le réduire à l'incapacité, pour démontrer son mensonge, pour montrer son égarement, mettre en garde les gens contre lui. Deuxièmement, de le questionner. C'est interdit et Allah n'accepte pas la prière de cette personne pendant 40 jours. Troisièmement, le questionner et certifier ses dires, croire en ses informations. Dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure. Quatrième cas, la personne n'a pas comme croyance que la personne connaît les choses de l'invisible, mais que c'est une information qui lui a été donnée par un djinn qui a eu cette information. Donc comme il y a une ambiguïté, on ne dira pas qu'il sort de l'islam, mais qu'il est tombé dans le shirk asghar. Juste une seconde. Quatrièmement, donc la personne qui pose la question, qui croit au dire du voyant, mais suite à une ambiguïté. C'est du shirk asrar. Non. Ainsi, on unit entre tous les ahadiths. Et lorsqu'on peut unir, ça prévaut sur le fait de prendre un avis prépondérant sans prendre tout ce qu'il y a dans les ahadiths, comme c'est connu. المعنى الإجمالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله أن جزاء من فعل ذلك حرمان حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما وهذا يدل على وهذا يبين لك أن الذهاب إلى العرافين والكهان من أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات وقال بعض أهل العلم لعل الفوزان حفظه الله تعالى إذا كان هذا جزاء من يذهب إلى العراف فكيف بالعراف والكاهن. Donc l'auteur nous a cité ce hadith. Quel est le sens de ce hadith? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la menace prévue et la punition prévue à ceux qui se rendent chez les voyants et les sorciers et ceux qui leur ressemblent, ceux qui prétendent connaître les choses de l'invisible, afin de les questionner sur des choses cachées que seul Allah Azza wa Jal connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la rétribution de ces gens-là et qu'ils seront privés de la récompense de leur prière durant 40 jours. Ainsi, tu comprends la gravité de ce péché. C'est-à-dire le fait de se rendre chez les voyants, chez les sorciers. Certains savants, si mes souvenirs sont bons, sur Salah Fawzan, on dit, si ceci est la rétribution et la punition prévue pour celui qui se rend chez le voyant. Que dire du voyant lui-même? Que dire du voyant lui-même? Qui sont ceux qui n'ont jamais entendu des parents, des enfants, des jeunes dire « J'ai un problème, je vais aller chez telle personne. » Ou « Je vais aller chez telle personne pour faire du bien, telle personne pour me venger, telle personne pour me protéger, telle personne pour attaquer un tel, telle personne parce que je suis jeune. » Combien sont ceux qui font ça? Ben juste, il y a le simple fait de se rendre chez ce genre de personnes, de les questionner, sans rien faire. Ben voici la rétribution. Pendant 40 jours, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la prière de cette personne. Comment est-ce qu'après ça, des parents peuvent éduquer leurs enfants dans ça? Quand même, eux, comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent se rendre chez ces genres de menteurs? Subhanallah. Dans ça, il y a tout le mal, il n'y a aucun bien. Tu cherches le bien, tu veux le bien, lève tes mains vers Allah, tabaraka wa ta'ala, tout le bien t'attend. Demande à Allah, azza wa jal, qui est riche, qui est généreux, qui est vivant, qui ne meurt jamais, qui est miséricordieux, et délaisse ces menteurs, pauvres, mortel. Subhanallah. Alaysa Allahu bikafin 'abda? Est-ce qu'Allah n'est pas suffisant pour son serviteur? Allah Azza wa Jal possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et quand il veut une chose, il dit sois elle. Et tu délaisses Allah Azza wa Jal et tu penses que tu peux te passer de lui pour te diriger non pas vers des gens de bien qui n'auraient rien pu faire pour toi, mais vers des gens de mal. À plus forte raison. فالحذر من هؤلاء الكذابين الأفاكين الكفرة. Donc prenez garde à ces menteurs, ces devins qui sont ماذا qui ont pour jugement d'être des kuffars. Le simple fait d'être un menteur, ça suffit pour que tu t'éloignes de ces gens. Que dire alors de tout ce que tu viens d'entendre, après tout ce que tu viens d'entendre? مناسبة الحديث للباب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافة ذلك للتوحيد. وترست في حديث dans ce chapitre car on voit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous interdit de nous rendre auprès des voyants car ceci ماذا est de les croire car ceci va en contre ماذا à l'encontre du tawhid car ceci annule le tawhid de la personne. Et s'il le questionne sans le croire, mais juste le questionner, ça diminue le tawhid de la personne. استفاد من هذا الحديث المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك. On tire de ce hadith l'interdiction de se rendre auprès des voyants, de les questionner ou de croire ماذا, ce dont ils nous informeraient au sujet des choses de l'invisible. تحريم الكهانة, l'interdiction de la voyance. On a interdit de se rendre auprès d'eux car il y a un grand mal qui en découle. بالذهاب إليهم تشجيعهم على هذا الباطل الكفري. Car en se rendant auprès de ces gens-là, il y a un encouragement dans la mécréance. S'ils n'avaient, yani, en leur enlevant Mada, leurs clients, ça va les décourager de consommer ça, car ils font ça pour l'argent. C'est l'ashab dunya. Ils vendent leur religion pour l'argent, pour la dunya. D'accord? Donc, si les gens se rendent dans leur mazah, leur cabinet ou leur maison hantée de habitée par les shayatins, ben ça va les encourager dans le mal et dans la mécréance. Deuxièmement, si une personne qui est musulmane ou se prétend musulmane se rend auprès de ces personnes-là, ben, il va troubler la masse des musulmans. Et certains parmi les musulmans vont se dire, alors c'est pas grave, ou alors c'est permis. Ils vont être troublés dans leur religion. D'accord? Il se peut qu'une personne qu'on pense être pieuse, qu'on croit être pieuse, se rend chez une personne, chez un voyant, chez un marabout, chez un frère, appelez-les comme vous voulez, ceux qui prétendent connaître les choses dans l'islam. Et son voisin le voit et lui dit: pourquoi est-ce que tu es venu voir cette personne? Lui, il a un pouvoir, ou il a ça, ou il a ça. Et khalas, lui aussi rentre dans ça. J'ai entendu de mes propres oreilles des gens dire, dans tel pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, que ce soit, d'accord? Ils disent, il y a un tel, dans tel village, il est très très très fort. Ça veut dire quoi, il est très très très fort? Ça veut dire, il a des pouvoirs que seul Allah Azza wa Jalla a, wa l'ayyadu billah. Hein? Subhanallah. Kayf hadha? Comment est-ce que cette idée peut traverser le cœur du musulman qui connaît Allah Azza wa Jalla un minimum? Subhanallah. A'udhu billah min al-kufr. A'udhu billah min al-shirk. A'udhu billah min mudillat al-fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Qu'Allah nous préserve des troubles, de la mécréance, du polythéisme, ce qui en apparent, ce qui est apparent et ce qui est subtil et caché. Et ils disent: est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux qu'on fasse quelque chose? Est-ce que tu veux qu'il te fasse un travail? Ta fille n'arrive pas à se marier, ton fils est malade, tes parents sont malades, tu n'arrives pas à trouver de travail, tu veux telle personne, tu veux réussir avant l'examen, tu veux que ton fils réussisse. Des fois, c'est une pauvre mère qui fait ça pour son enfant n'est même pas au courant. Subhanallah. Elle est prête à vendre son dîn pour que son enfant réussisse alors qu'elle se fait du mal à elle-même, et ça ne leur changera rien à son fils. Son fils aura que ce qui a été décrit. Donc il faut sensibiliser les gens sur ce sujet-là et apprendre aux gens la gravité de cette chose. Il faut en parler dans les maisons, dans les foyers, et ne pas dire: oui, mais si je dis ça, mon père va dire ça, et mon père c'est un soufi, ou mon père. Explique aux gens et laisse-les s'énerver. Parle avec science, parle avec sagesse, parle avec tact et patiente. Il t'insulte, patiente. Il te frappe, patiente. Reviens et répète. Explique. Celui qui te frappe aujourd'hui, demain c'est lui qui va expliquer aux autres. Bi'idhnillah. Wallahu ma'as-sabirin. Et Allah est avec les endurants. Des gens avec qui on se disputait jadis, ce sont eux au jour d'aujourd'hui qui débattent pour secourir la religion d'Allah et la vérité dans ce sujet. Wallah. Des gens qu'on connaît personnellement, des gens de nos familles, qui disaient oui mais, oui mais, oui mais, et nous dénigraient, nous rabaissaient, au jour d'aujourd'hui, disent: c'est du mensonge tout ça. C'est de la tromperie. Et la vérité c'est la sunna, et c'est le Qur'an, et c'est le tawhid. Et ils sont égarés, et les soufis sont égarés. Wa aqul wa ukarrir wa atahadda man ya'ti. ويكذبني في هذا وناقشه باللسان وبغير هذا وأذكر البلاد وأذكر البلاد. قالوا لا تذكر البلاد الفلانية ولا أذكر المغرب أذكر المالي أذكر السنغال وأذكر غير هذه ولا نخاف إلا الله عز وجل لا نخاف من البشر كيف نخاف فضلا عن المشرك او المبتدع. Donc ces gens-là faut les dévoiler, premièrement. Deuxièmement, faut conseiller dans les familles. Dans les familles maghrébines, c'est une chose qui est très répandue. Dans les familles africaines, c'est une chose qui est très répandue. Faut le dire, faut exposer la vérité aux gens. Faut pas tromper la communauté. Faut pas tromper les gens. Faut leur expliquer, même s'ils s'énervent, même s'ils se fâchent. Tu parles pas pour eux, tu parles pour Allah Azza wa Jal. Tu parles pour que le droit d'Allah Azza wa Jal soit respecté. La tatakallam li nafsik, wala li ghayrik, tatakallam lillah. Li ajl, amadha, li haqqi Allah Azza wa Jal, hatta yuhfadhu. Haqq Allah tabaraka wa ta'ala. Haqq Allah tabaraka wa ta'ala. Donc t'exposes aux gens, tu parles selon ce qu'ils comprennent, tu dis les endroits, tu dis les villes, tu dis les noms, le nom des sectes, le nom des groupes, afin que les gens comprennent de quoi tu parles. Ainsi il y aura une scission entre les gens de la vérité et les gens du mal. Et toute personne qui cherche la vérité la trouvera de manière claire et évidente. Et ceux qui disent, cite pas le pays, cite pas ça, je cite le pays et je cite ça. Il est content, alhamdulillah, il n'est pas content, c'est la même chose. S'il veut venir avec sa langue, on a des langues pour répondre. S'il veut venir avec autre chose, on a autre chose pour répondre. Pas ma fille mouchkine. Et que celui qui est présent, il transmette. On n'a pas peur des hommes. Comment est-ce qu'on va avoir des hommes, yani, normaux? Comment est-ce qu'on aurait peur de mouchrikoun, d'associateurs? Comment est-ce qu'on aurait peur de soufis? Baal moudil mouchrik. Transmettez-le. Et qu'ils viennent. On n'a pas peur d'hommes normaux. Comment est-ce qu'on aurait peur d'associateurs? De gens qui se rendent auprès des tombes pour égorger Allah Azza wa Jal, qui ont peur du noir, qui ont peur du jour, qui ont peur des djinns, qui ont peur des hommes. Ils ont peur de tous ces gens. Il n'arrive pas à faire un pas devant l'autre sans aller égorger pour un mort. Comment est-ce que toi tu vas avoir peur d'une personne comme ça? Certaines personnes délaissent leurs biens parce qu'ils ont peur des shayatines, de tel marabout et tel je ne sais pas quoi. N'aie peur que d'Allah Azza wa Jal. Fais tes adhkar et il n'y a rien qui te touche. Bi'idni Rabbil Alamin. Ils te font du sihr. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Ils t'envoient des shayatines. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. I'tasim billah. Ni'mal mawla wa ni'mal wakil. Ils t'envoient leurs shayatines, ils te font du sihr, ils te font manger des choses, ils t'agressent physiquement. Tout ça, c'est rien, c'est de la dunya, tu vas mourir, quoi qu'il en soit. Man lam yamut bis sayf mata bi ghayri. Ta'addadat al asbab wal maut wahid. Comme le poète a dit, celui qui meurt pas avec l'épée mourra avec autre chose. Les causes de la mort sont multiples, mais la mort est unique. Ils t'insultent, ils t'agressent, ils te font du sihr, ils te font manger telle chose, ils te font ça, ils vont voir tes parents, ils te nuisent, c'est pas grave, yah. Anta ala al-haq uthbut ali. Reste sur cette vérité, reste sur le tawhid, reste sur le sunnah. Et n'aie peur de personne si ce n'est d'Allah Azza wa Jalla. La seule chose qui nous affaiblit, c'est notre manque de science et nos péchés. Cheikh Mughbil rahimahullah ta'ala disait, on n'a pas peur pour la da'wa de nos ennemis. Da'wa d'Ahl sunnah, elle est préservée par Allah. Mais on a peur de nos péchés. Mais on a peur de nos péchés. C'est des gens qui étudiaient, qui faisaient l'ibad, et ils disaient, qu'est-ce qu'on va dire nous aujourd'hui avec notre manque de science et nos nombreux péchés? Allah musta'an. Il faut exposer la vérité, j'insiste. Il faut dire aux gens dans les familles, même si tu n'as pas beaucoup de science, tu viens avec le livre, tu viens avec l'explication, tu dis ça. Combien sont ceux qui nous disent, ma mère est partie chez un frère, mon père est parti chez un marabout, wakada, wakada. Certains nous disent même, mon père fait ça. Wal'iyadu billah. Comment est-ce que tu te tais, t'es dans une maison où une personne commet du polythéisme et travaille avec les shayatines et tu te tais et tu prétends aimer ton père ou toi tu prétends aimer ta mère et tu la laisses dans Shirk Akbar? Parle-lui, explique-lui ces hadiths, explique-lui que si elle meurt dans cet état-là, elle ira en enfer éternel. T'aimes tes parents et tu les laisses dans ça? Quel amour! C'est quel amour ça? Tes proches, explique-leur si tu les aimes pour Allah Azza wa Jal. Explique-leur afin qu'ils restent sur le tawhid. Et ceux qui sont égarés ainsi, yani, ramène-les dans l'islam bi'idhnillah azza wa jalla. Une seconde. Naam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, amen. Je suis en cours là. Jazakallah khair. Salam alaykum. Afwan, j'ai décroché car j'attends un appel important. Voici pour le premier hadith. Le second hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. D'après Abu Hurayra رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: quiconque se rend chez un voyant et croit ce qu'il lui a dit a renié ce qui a été révélé à Mohammed. Quiconque, c'est général, que ce soit un homme, une femme, un blanc, un noir, un africain, un arabe, quiconque se rend chez un voyant, donc ceux qui prétendent connaître les choses cachées que seul Allah Azza wa Jal connaît, et croit à ce qu'il lui a dit, faqad kafara, il aura mécru, il aura renié ce qui a été révélé à Mohammed, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, la révélation. إذا روى أبو داود وكذا أحمد وأهل السنن. ويعني في الحديث انقطاع، لكن له شواهد، يعني التابعي الذي يذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يسمع منه، وماذا ومع ذلك يعني المتن لا شك أنه ثابت يعني في عدة أحاديث. Donc il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, il y a une interruption, car le tabi'i n'a pas entendu de Abu Huraira radiallahu anhu, mais il n'y a aucun doute que le texte qu'on trouve ici est authentique. Il est venu dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup d'autres hadiths. Donc ça le Mada, dans ce hadith, on voit le jugement de celui qui croit les informations du voyant. Dans le premier hadith, c'est le jugement de qui? Celui qui s'y rend. Le simple fait de s'y rendre, on n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Mais quel est le jugement de celui qui s'y rend et en plus de ça, le croit? Hein? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. D'accord? Il a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. نعم. Le hadith suivant وللأربعة والحاكم قال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Ensuite l'auteur nous dit ولي الأربعة لكاتر. Quand on dit الأربعة c'est-à-dire أصحاب السنن, qui sont-ils? Abu Daoud, النسائي, At-Tirmidhi ou Ibn Majah. Quand vous entendez Ahl al-Sunan ou bien l'Arba'a, c'est ces quatre savants du hadith: Abu Daoud, Al-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Quand vous entendez Al-Khamsa, c'est ces quatre-là en plus de l'imam Ahmed. Puis chaque Mada savant du hadith peut avoir sa terminologie. Des fois c'est différent. Et quand on entend Kutub al-Sitta, quand vous entendez le nombre 6 pour les gens qui rapportent les hadiths, c'est Ashab al-Sunan plus Al-Bukhari et Muslim. Donc Kutub al-Sitta, c'est Al-Bukhari et Muslim plus Ashab al-Sunan, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmidhi et Ibn Majah. Quand vous entendez Al-Khamsa, c'est Ashab al-Sunan plus l'imam Ahmed. Et il y a encore d'autres choses à savoir. Ici on voit, vous voyez dans votre livre, An Abi Huraira. Naam, le hadith est An Abi Huraira. D'accord? Mais dans Mada, le livre de base de Kitab al-Tawhid, il n'y a pas le Raoui, il y a un blanc. Vous avez compris? Ici, nous on a directement le prénom, le nom de la kunya d'Abu Huraira, ça? Donc on sait que c'est lui qui a rapporté le hadith. Effectivement, c'est lui qui a rapporté le hadith. Mais dans le livre de Kitab al-Tawhid, hein, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab n'avait pas écrit Abu Huraira. Il y avait un blanc. D'accord? Il n'y avait pas le nom du Sahabi. On voit dans le texte que l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que Ashab al-Sunan l'ont rapporté. D'accord? Mais en fait, ils ne l'ont pas rapporté. D'accord ? Ils ne l'ont pas rapporté. Donc, Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah ne l'ont pas rapporté. Mais c'est l'imam Ahmed al-Hakim qui l'ont rapporté. Al-Dhahabi dit qu'il est authentique. Peut-être que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a pris cela directement de Al-Fath, de Fath al-Bari, de Al-Hafid ibn Hajar, car lui a dit ce qu'a dit ici l'auteur. C'est compris? Par exemple, moi, dans une khutbah, il se peut que je dis rapporté par Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Parce que j'ai pris ce passage de ma khutbah, hein, de tel savant. Mais en revenant au livre, toi tu vois que l'imam Muslim n'a pas rapporté ce hadith. Vous avez compris? Comme on est dans un zaman de fitan, je vais éclaircir encore plus. Je ne me compare pas à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais je compare à Mada, ce manquement que j'aurais pu avoir, à cette chose qu'on pourrait appeler un manquement. Cette imperfection plutôt. D'accord? C'est wadah? Je précise parce qu'on est dans un zaman de fitan. Avec tous les manquements qu'on peut avoir, je comprends pas pourquoi les gens mentent. Fahimt? Et avec tous les manquements que j'ai, par exemple, si tu veux un mal à ton frère, yani, ça t'est suffisant, yani, c'est suffisant tous les manquements qu'il a déjà. Pourquoi mentir? Parce que le cœur il est tellement malade des fois que ça suffit pas. Hein? Na'ouzou billah. Allah nous préserve de chercher à nuire à nos frères. Et nous préserve du mensonge qui s'est banalisé. Donc Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala avait dit que ce hadith a été rapporté par les quatre que vous avez entendus et Al-Hakim. Donc probablement que l'auteur a pris cela. Que veut dire le hadith fasaddaqahu madha na'am fasaddaqahu bima yaqul? Donc il le croit dans ce qu'il dit. C'est-à-dire min al-mughayyabat allati la ya'lamuha illa Allah. C'est-à-dire les choses de l'invisible, les choses cachées que seul Allah connaît. Donc celui qui se rend chez une personne semblable et qui croit en ces informations, des informations des choses concernant les choses cachées. Les choses que seul Allah Azza wa Jalla connaît. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad ay al-wahy. Wa minhu Donc, de quel point de vue nous disons qu'il a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Car Allah azza wa jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran et la Sunnah. Et dans le Coran, on trouve qu'Allah dit nul ne connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre, les choses de l'invisible, excepté Allah. Donc la personne a eu connaissance de cela. Elle sait que Allah nous informe dans le Coran que seul lui connaît les choses de l'invisible. Puis, le sorcier informe les choses de l'invisible. Et ce dernier le croit. Donc, il a démenti la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est de ce point de vue-là qu'il a mécru à ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, Allah dit, personne ne connaît les choses de l'invisible, sauf Allah. Et un homme dit, si le devant connaît les choses de l'invisible. Qui est le véridique? Allah ou le devant? Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi haditha. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah nous informe dans le Coran qu'il n'y a pas plus véridique et vrai que ses paroles. Tout comme il nous informe que que les shayatines descendent avec leurs informations sur les grands menteurs. Donc, parmi les plus grands menteurs, il y a les voyants et les sorciers. Donc ceci est de la mécréance majeure. Un instant. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله في خير ونعمة. Non, je suis encore là. Non, je te rappelle. Ah oui, je pensais que tu allais m'informer des billets. Ahlan, salam alaikum. Certains savants disent in kana jahilan wa la ya'taqid madha wa ma alima an Allah azza wa jalla qala mathalan hadhihi al-aya wa ya'taqid an al-qur'ana kulluhu haqq wa anna qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kulluha haqq wa dhanna an al-kahin qad alima min mustariq as-sam' mathalan qalu fi hadha لا نقول أنه خرج من الإسلام لا نقول أنه قد خرج أنه خرج من الإسلام إسلام بل هو كفر دون كفر. Certains savants ont dit si cette personne qui a dit que le voyant a dit la vérité ne sait pas, ne connaît pas le verset par exemple que seul Allah connaît les choses de la visite, ou s'est dit où il dit le Coran n'est que vérité, le prophète sallam est vérité, ce qu'il nous a transmis est vérité, mais le voyant peut savoir par l'intermédiaire par exemple du djinn, hein, et c'est un djinn musulman par exemple, et ce genre d'ambiguïté, dans ce cas là certains savants ont dit qu'il ne sort pas de l'islam, mais c'est de la mécréance mineure, comme a expliqué Ibn Uthaymeen. Munasabatul hadith al-bab النهي عن اتيان الكهان وتصديقهم وكفر وفي هذا الحديث كفر من فعل ذلك. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on voit l'interdiction de se rendre auprès des devins, de les croire, et on voit la mécréance de celui qui croit les devins dans la science que seul Allah Azza wa Jal possède. On tire de ce hadith تحريم اتيان الكهان وتصديقهم كفر من صدقهم وجوب تكذيب الكهان الكهانة الشرك. On tire de ce hadith l'interdiction de se rendre auprès des devins et de les croire. Celui qui a fait ça doit se repentir. Posez-moi cette question à la fin. Que doit faire celui qui a fait cela auparavant, qui était ignorant bien qu'il savait? D'accord? On tire de ce hadith que celui qui croit une personne qui prétend connaître les choses de l'invisible sort de l'islam. L'obligation de démentir les voyants. Tu dois dire que ce sont des menteurs. Comme le prophète sallam l'a enseigné. Ils ont une information véridique et ils y ajoutent 100 mensonges. On tire de ce hadith que la voyance est du polythéisme majeur. Une faïda subtile ici, fi ithbat ulou illahi azza wa jal. Wa anna al-Qur'an kalam. La kalama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On tire de ce hadith une information très subtile. Les savants disent, on tire de ce hadith qu'Allah azza wa jal est élevé. Hein? On tire qu'Allah azza wa jal est élevé au-dessus des cieux. De ce hadith, on tire qu'Allah azza wa jal est dans l'élévation. D'accord. Si on te demande où est Allah, Adam, aïn Allah, Jazakallahu khair, anna qad alimta ma jahila ulama ahli al-bid'ah. Ulama issu, ulama issu. Donc, où est Allah tabaraka wa ta'ala? Allah dit dans le Coran, amintum man fi s-sama. Allah dit dans le Coran, il y a sa'adul kalim al-tayyib wal-amal salih yarfa'uh. Allah dit dans le Coran, ar-Rahman al-arsh istawa, thumma istawa al-arsh, ar-Rahman. Tanzilun ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Allah dans le Coran nous enseigne qu'il est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Il est en haut, en dehors de la création, au-dessus des créatures. D'accord? Ben de ce hadith, on tire cela, qu'Allah est élevé. Car on voit le mada, le mot qui est précis en arabe dans ce hadith qui est unzila. Hein? Qui a été révélé, qu'on a fait descendre. Celui qui fait descendre une chose, c'est qu'il est en haut. Celui qui fait descendre une chose, c'est qu'il est en haut. Donc de ce hadith, les savants ont tiré qu'Allah Azza wa Jal est élevé, fil ulou. Aussi, on tire de ce hadith que le Coran n'est pas la parole du Prophète, mais la parole d'Allah. Car on dit Unzila ala Muhammad, qu'on a révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est donc pas sa parole, mais il n'a fait que la transmettre. إذن في هذا الحديث دليل على علو الله تبارك وتعالى وأن القرآن كلامه le sens qui est dans ce hadith. Le sens contenu dans ce hadith n'était-il pas déjà passé? Oui ou non? Le sens qui est dans ce hadith, est-ce qu'on ne l'a pas déjà vu dans le hadith passé? Si. Relisez les hadiths. On a eu le premier hadith. On a eu l'information que celui qui se rend chez le devin n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Dans le deuxième hadith, on a eu l'information que celui qui va chez le devin et le croit a mécru à ce qui a été révélé au Mohammed. Et dans le troisième hadith, pareillement. Est-ce que l'auteur se répète sans sagesse? La hadha li takfir il adilla. Hein? L'auteur a fait à la manière des savants. D'accord? L'auteur a fait à la manière des savants. En citant plusieurs preuves pour appuyer ce qu'il cite ici. D'accord. لتكثير الأدلة وليقوى المدلول أو ليقوي المدلول. L'auteur a cité ce hadith bien que le son sens soit déjà passé afin de renforcer le sens de ce qu'il apporte et qu'il ait encore plus de preuves dans ce sujet sensible et important. Par exemple, tu rentres au masjid et on te dit une information. Ensuite, tu rencontres une deuxième personne qui te répète cette information, puis une troisième, puis une quatrième. Est-ce que ça sera, yani tu auras ressenti la même chose? Tu aurais ressenti la même chose si une seule personne t'en avait informé? Non. Quand plusieurs personnes t'informent de la même chose, même si la première était véridique, ça ajoute un effet à la personne. L'auteur dit wali abi ala bi sanadin jayyid an ibn mas'ud radiyallahu anhu mithlu mawqufan wa jawada isnadahu aydan al hafid ibn hajar fi al fath wa kharajahu al tabarani fi al kabir qala shaykh salih al sindi wa lahu hukm al raf'a بنحو ماذا الآثار هذا الآثار بإضافة الساحر. طيب l'auteur dit et Abu Ya'la rapporte le même hadith avec une bonne chaîne de transmission selon Ibn Mas'ud la même chose. D'accord, mais le hadith est mawquf. On a déjà cité ce terme. Que signifie mawquf? Quand on dit un hadith et on dit il est mawquf, que signifie cela? Man yajib. Le hadith attribué au compagnon. Au compagnon, c'est-à-dire que cette parole est attribuée au compagnon. Et si on dit marfou', ça remonte à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains savants ont dit que certes il est mawquf, mais il a le jugement du marfou'. Il a le jugement du marfou', car ça n'est pas une chose qu'on pourrait dire suite à un effort de réflexion. Donc forcément, Ibn Mas'ud l'a entendu du prophète. Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, j'ai trop écouté quelque chose. Ça m'a donné un accent avant du Yémen. Allah musta'an. Tayyib. عن عمران ابن حسين مرفوعا ليس منا من تطير وتطير له أو تكهن وتكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوساط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قول من أتى إلى آخره. Imran ibn Hussein radiallahu anhu apporte un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce hadith? N'est pas des nôtres celui qui fait la superstition ou celui pour qui on fait la superstition, celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on la pratique, c'est-à-dire n'est pas des nôtres celui qui fait la sorcellerie ou celui pour qui on l'a fait. Quant à celui qui se rend chez un voyant et croit ce que ce dernier lui dit, il a certes renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith a été rapporté par Al-Bazra avec une chaîne de transmission solide. Ce hadith a aussi été rapporté par Al-Tabarani avec une bonne chaîne de transmission d'après Ibn Abbas. Cependant, la dernière phrase du hadith à partir de quant à celui qui n'est pas mentionné dans la version de Al-Tabarani. بسم الله. إذن عن عمران ابن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا نستفيد من هذه العبارة أن المذكور على الأقل من كبائر الذنوب وتنبل له على الأقل. إذا ذكر في حديث ليس منا معنى ذلك أنه من كبائر الذنوب، ثم هل يحكم بالكفر أو الفسق؟ على الأقل الفسق، ثم ينظر في الأدلة والأحكام. بارك فيكم. ليس من المؤمنين الإيمان الواجب. طيب، من تطير أو تطير له، تطير هذا سبق، التشاؤم بالمرء أو المسموع أو المعلوم. Donc n'est pas des nôtres celui qui fait la superstition, l'augure. D'accord ? On a déjà parlé de cela. أو تطير له. Celui pour qui on fait l'augure. Celui pour qui on fait l'augure. C'est-à-dire, qui demande aux gens, d'accord, suite à une vision, une chose qu'il a entendue ou une science, de dire ce qu'il adviendra de son projet. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Par exemple, il veut travailler ou fait ouvrir un commerce avec tel frère. Avant de rentrer dans cela, il demande à quelqu'un qui prétend avoir des facultés quant à la connaissance du futur, de regarder ce qu'il voit dans, par exemple, ce jour, ou bien dans le déplacement des oiseaux, ou bien comme on avait cité dans le chapitre sur le hadith contenant le mot at-tiyar. D'accord? Puis celui qui regarde les oiseaux lui dit tu peux te lancer, il y a du bien car ils sont partis vers la droite et ceci et ceci. Allez, des mensonges. Ou non, ne t'associe pas avec telle personne, il y aura un mal car ils sont partis vers la gauche et donc kada kada. D'accord? Donc tatayyara, c'est la personne elle-même qui est superstitieuse. Tutuyyira la, c'est quelqu'un qui l'informe de sa superstition. Est-ce que c'est clair ou pas? Non. Le vendredi 13. Non, c'est répandu en France. Sahih. Aw takahhana aw tukuhhina la. Donc Al-Kihana, vous avez compris le sens, prétendre connaître les choses de l'invisible. Aotuku hinala, comme on a dit pour tuku yirala. D'accord? Ay talaba min al-kahin ما سيكون أو خبرا ما. Donc autoku hinala, c'est-à-dire qu'il demande au voyant ce qu'il voit pour lui, comme le font certaines personnes égales. D'accord? Donc soit la personne fait de la voyance, soit elle demande au voyant de lui donner des informations. أو سحر أو سحر له ou fait de la sorcellerie ou demande à ce qu'on lui fasse de la sorcellerie. D'accord? Comme les gens qui se rendent chez les marabouts, chez les sorciers, et lui disent un tel m'a fait du mal, fais-lui ça. D'accord? Ou un tel m'a fait du mal, venge-moi. Ou ma fille va se marier, fais en sorte que madame le mariage réussisse. Ou bien. Tous ces gens-là rentrent dans le hadith. Le prophète sallam a dit laysa minna, ils ne font pas partie des nôtres. Ils ne font pas partie des nôtres. Qassarna fi da'wati ila Allah azza wa jalla wallah. Qassarna fi da'wati ila Allah azza wa jalla wa fi bayan at-tauhid lin-nas wa fi at-tahdhir min ash-shirk. Qassarna fi hadha wa sall Allah azza wa jalla ya'fu 'anna wa yatubu 'alayna. Wa yuqawwiyana wa yuthabbitana 'ala hadha wa yassira lana talab al-'ilm. طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Combien sont nos manquements dans l'appel à Allah Azza wa Jal? Combien sont nos manquements dans le fait d'exposer aux gens le tawhid et de les avertir contre le shirk? On a trop de manquements dans ça, les frères. Faut qu'on commence à الدعوة إلى الله عز وجل pour de vrai. Faut qu'on commence à appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala véritablement. Faut qu'on commence à étudier véritablement, mettre en pratique notre dîn véritablement, prêcher les gens au tawhid et les mettre en garde contre le shirk. On a trop de manquements. Nous avons trop de manquements dans ce domaine-là. Il nous faut tous nous réveiller et faire ce sur quoi était le prophète Arsène. Accorder la plus grande importance à ce sujet-là. Et ça commence par quoi? Par l'apprentissage. Je ne peux pas appeler les gens tawhid, c'était ignorant. Je ne peux pas mettre en garde les gens contre le shirk, c'était ignorant. Et toi-même, tu dois avoir du tawhid, ça doit se voir dans tes actions, dans ton comportement. Non. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَمَنْ أَتَكَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد هذا هو الشاهد avec ce qu'il y a aussi avant et c'est déjà passé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quant à celui qui se rend chez un voyant et croit ce que ce dernier lui a dit, il a certes renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on a expliqué auparavant, c'est valable pour ici. Donc encore une fois, il a cité ce hadith pour renforcer ce qui est passé. La remarque est passée, mais on la répète, ou je la répète. Le prophète sallam a dit laysa minna. Les savants disent, lorsqu'il y a ce genre de parole, donc on classe ce qui va être cité dans ce hadith dans les grands péchés. Le fait de faire du sihr, ça rentre, c'est quoi le jugement? C'est un grand péché? C'est du fisq? Ou bien c'est de la mécréance qui fait sortir l'islam? C'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Mais c'est aussi un grand péché. Donc c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa minna qu'on va dire que le sorcier c'est un fasiq mais que ça n'est pas un kafir. Est-ce que c'est compris? Donc par moment on unit sous une appellation commune plusieurs choses mais qui ont des jugements différents. Est-ce que c'est clair? On unit différentes parties composantes d'un même hadith sous une seule et même phrase. Mais chaque chose peut avoir un jugement différent. Un hadith qui est passé n'y a pas si longtemps que cela, qui appuie ce que je viens de dire. Et ce que je viens de dire, je le répète des savants. Qu'est-ce qu'un hadith en tête pour illustrer ce que je viens de dire? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu sab'a al-mubiqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on avait ce hadith dans quel chapitre? Bab ma ja'a fi al-sihr. Donc, éloignez-vous des sept péchés causant la perte du de la personne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a dit « Wa ma hunna ya Rasulallah », il a répondu quoi ?« Ash-shirku billah ». Puis « Wa sihr », puis « Wa qatlu nafs allati harram Allahu illa bilhaq ». D'accord. « Waqli mal yatim »« Waqli riba »« Waqli mal yatim »« Wa madha » »« Wa tawalli yawm az-zahr » »« Wa qatfil muhsanat al-mu'minat al-ghafilat » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Éloignez-vous des sept péchés causant la perte » et l'annoncement de la personne. Lesquels, au message d'Allah? Il répondit, l'associationnisme, la sorcellerie, le fait de tuer une âme injustement, le fait de manger de l'usure, de spolier les biens de l'orphelin, de sauver le jour de la bataille, et d'accuser injustement d'adultère les femmes chastes, croyantes, innocentes. J'ai oublié, j'en ai oublié un. Non, voyez, bifadlillah. Donc, prenons ce hadith. L'appellation générale donnée à toutes ces parties composantes, c'est cette partie et al-mubiqat. On est d'accord. Est-ce que les sept parties ont le même jugement? Al-shirk et al-sihr fait sortir de l'islam. Alors que le reste, là-bas, c'est que c'est du fisq. Ben, c'est la même chose pour ce hadith. Donc, الثيارة سيجيل أصغر في الأصل كما نرى إن شاء الله تعالى. alors quel kihana c'est du shirk akbar. السحر c'est du shirk akbar. et d'aller voir le kahin et de le croire et du shirk akbar. بالجملة. afin qu'un jour on ne vous dise pas oui, mais le prophète sallam a dit là, Isamina, Ibn Taymiyyah a dit que c'est la définition de la, ça entre dans les caractéristiques de la kabira, donc, ça n'est pas un kafir. Tu sauras comment répondre. هذه الأمور المحرمة فيها فساد العقيدة أو نقصها. Ces choses citées dans ce hadith affectent la croyance de la personne ou la corrompt de manière totale. Pareillement pour la raison. Tufsid al-uqul wa al-aqa'id fi ad-di'a li'ilm al-ghayb alladhi la ya'lamuhu illa Allah 'azza wa jalla. Wa ash-shar'u ja'a li-ibtali hadhihi al-jahiliyyah wa wiqayati aw hifdhi al-uqul 'anha. Donc dans ce hadith on nous cite des choses qui affectent et ou annule la croyance du musulman. Et l'islam nous est venu afin de purifier les gens des croyances du paganisme en contraire ou bien en contradiction avec la droiture. مناسبه الحديث للبافي النهي والتغليظ عن فعل الكهانه ونحوها وتصديق اهلها. L'auteur a cité ce hadith car on voit l'interdiction et la gravité de la voyance ou de se rendre auprès de ces gens-là et de croire en leur dire. Et on y voit que c'est de la mécréance. مما يستفاد من الحديث تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد تحريم تصديق من يفعل ذلك كهانة وغيرها لأن هذا كفر وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وجوب التمسك بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح ما خالف ذلك. On tire de ce hadith l'interdiction de prétendre connaître la science de l'invisible. Est-ce que vous comprenez tous lorsque je dis la science de l'invisible? Les choses que seul Allah Azza wa Jal connaît. Qu'est-ce qui me donne un exemple? Le futur. La mort. Yani, le moment où l'on meurt. Le destin. Al-Qiyama, le jour du jugement, le Mada de la fin du monde. Comment? L'heure de la fin du monde, c'est ce qu'il vient de dire. Le bien qui peut toucher la personne. La future épouse. Tu veux nous ramener des problèmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me lui avait montré Aïcha radiallahu anha avant qu'il ne l'épouse. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait montré Aïcha radiallahu anha avant qu'il l'épouse. En songe, j'ai rien en si mes souvenirs sont. Allah Azza wa Jalla, fin de surat al-Ahzab, yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a, qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Il te demande au sujet de l'heure, dis, cette science n'est qu'auprès d'Allah. C'est un exemple. طيب. On tire de ce hadith. Donc l'interdiction de prétendre à la connaissance des choses de l'invisible, car ceci annule le tawhid de la personne. On tire de ce hadith l'interdiction de croire les voyants et ceux qui leur ressemblent, car ceci est de la mécréance. L'obligation de démentir les croyants, car ce sont de grands menteurs. L'obligation de s'éloigner des voyants et de leurs actions. L'obligation de se cramponner à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser tout ce qui vient contredire cela. Alors, c'était le quand un hadith, on s'arrête là, ou plutôt l'explication, yani la parole qu'a cité l'auteur de Al-Barawi d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. قال طيب ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى كلام الإمامين في تعريف العراف والكهان والفرق بينهما. قال ماذا البغوي؟ العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس ابن تيمية رحمهم الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. الإمام البغوي رحمه الله تعالى دي Al-Arraf est celui qui prétend connaître des faits par des prédications qui lui permettent de localiser des objets volés. Al-Arraf est celui qui prétend connaître des choses par des signes, à l'aide de signes, qu'il utilise afin de savoir où se trouve l'objet volé ou perdu. Ou mal à la monture égarée. Taïe, Allah alim comment traduire. Soit la monture égarée, soit la chose perdue ou qu'on nous a volée. Wa nahwi dhalik, quelles choses semblables. Ce qui est apparent ici dans la parole de l'imam al-Barawi, c'est que al-Arraf, c'est toute personne qui prétend connaître des choses de l'invisible. Indépendamment du temps, c'est-à-dire qu'il ne rattache pas l'Arraf au futur seulement, ou au passé seulement, ou au présent. Non, ça concerne le futur, le passé, ainsi de suite. Donc si on dit que c'est la définition, Al-Arraf, c'est une appellation générale, et Al-Kahin, c'est une appellation plus particulière. Al-Kahin concerne les choses du futur, Al-Arraf, les choses générales. Car lorsqu'il dit Makan ou Dalla, la chose qui est perdue, pour la chercher ou la trouver, c'est que ça fait partie du passé. Sahih? Waqila huwa al-kahin. D'autres ont dit que l'arraf c'est le kahin, c'est le devin, c'est la même chose. Wal-kahin, tu lui expliques ce qu'est le kahin. Kahin wal-ladhi yukhbir al-mughayyabat fil mustaqbal. Al-kahin, le voyant, c'est celui qui informe sur les événements futurs. Waqil, il a été dit, al-ladhi yukhbir amma fi dhamir, que c'est celui qui lit dans les pensées, qui informe de ce qui est en toi. D'accord? Par exemple, tu penses à une chose dans ton fort intérieur. Et le kahin prétend pouvoir deviner cette chose-là. D'accord? Par exemple, je suis en face d'un kahin. Et moi, je cache dans mon cœur que si tu meurs sur ça, tu vas aller en enfer éternellement parce que tu es un kafir, tu es adou Allah. Et lui essaie de savoir ce qu'il y a dans mon qalb. Et il prétend savoir ce qu'il y a dans mon qalb, dans mon cœur. Ça, c'est un kahin. Selon cette définition. C'est compris? La définition précédente, la femme égarée va voir l'homme pour qu'il lui dise est-ce que c'est un bien que sa fille se marie avec tel homme. Et lui, il lui dit oui, ils vont vivre heureux et je sais pas quoi, comme mensonge, d'accord? Ça, c'est la définition d'avant. Et la première définition, ça englobe les choses du passé, c'est-à-dire j'ai perdu telle chose, on m'a volé telle chose, qui est le voleur et où se trouvent mes richesses. Ou bien, que se passera-t-il? Je vais voyager dans tel endroit. Que se passera-t-il? Est-ce que mon fils va réussir son examen? Voici l'exemple pour les trois définitions citées. Ibn Taymiyyah, Abu al-Abbas, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, nous dit, Al-Arraf, c'est le nom qui désigne le voyant, l'astrologue et le géomancien. Celui qui cède des ma'adha. En arabe, ils ont dit, Ar-Ramal, na'am. C'est celui qui trace sur la terre des choses et pour Mada, ainsi, il prétend pouvoir connaître des choses du futur. Ou toute personne prétendant connaître ce genre de science. Donc on comprend d'Ibn Taymiyyah également qu'il voit que c'est une appellation générale pour toute personne prétendant connaître les choses de l'invisible. Na'am. Donc c'est la définition qui revient le plus souvent et qui a été retenue par certains savants. Al-arraf ismun 'am li kulli ma yad'i ma'rifata ma'rifata al-mughayyabat. Donc al-arraf, ce qu'on retient, c'est qu'al-arraf, c'est une appellation générale donnée à chaque personne prétendant connaître les choses de l'invisible. Donc on peut donner cette appellation aux voyants, aux devins, à l'astrologue et autres, parmi les menteurs qui prétendent connaître les choses de l'invisible. Le deuxième avis, Al-Arraf, bimana Al-Kahin. C'est que le Al-Arraf, c'est Al-Kahin. Et qu'Al-Kahin, c'est Al-Arraf. Ce sont des synonymes. Cheikh Salah Sindi a dit, ce qui est apparent, selon la Mada, les définitions qu'on trouve le plus souvent des savants, Anna hatayn al-kalimatayn, إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا فالعراف إذا ذكر على حدى يشمل الكاهن وهكذا العكس أما إذا وجدنا في عبارة في ماذا في جملة واحدة العراف هو كاهن فالعراف عام والكاهن في المستقبل. Salah Sindi nous dit donc que ces deux mots, Al-Arraf et Al-Kahin, s'ils sont cités dans le même contexte, alors Al-Kahin sera désigné pour celui qui prétend connaître les choses du futur et Al-Arraf pour les choses du passé. D'accord? Et si on n'en cite que un, alors chacun prendra le sens de l'autre également. Et c'est ce qu'a cité Al-Rahib Al-Asfahani fi Kitab Al-Dhari'a. Hada alladhi tayassar. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. On akhtim kama bada'na. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله عز وجل وأرحم الراحمين الرؤوف أن يغفر لأمي ويرحمها ويثبتها عند سؤال الملكين ويعفو عنها وعنا ويرفع درجاتها في الجنة اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت أرحم الراحمين. C'est la parole d'Ibn Abbas. Allah, si Allah Azza wa Jalla nous facilite, Inch'Allah, le tawfiq, on continuera cela. Probablement que j'ai ma'adamadkur, al-dakart, tout la kouma ou la, al-salah, al-walida, rahimahallah, takoun radan, Inch'Allah, fi hada al-masjid, sa'at thaniyata ashr. Donc je ne sais pas si je l'ai dit au début ou pas. La salat janaza sera demain à midi dans cette mosquée. La salat janaza sera donc demain à midi dans cette mosquée. Inch'Allah ta'ala. Demain. Probablement que je n'assurerai pas le cours. Il y a mon beau-frère Abdurrahman qui est étudiant à l'université de Médine, il a fini son cursus universitaire et il a été accepté en magistère. C'est un frère à la sunna, Allahumma barik, qui va venir et qui va me remplacer. Donc probablement que demain je vais faire la khutbah, mais probablement que je ne pourrai pas faire le cours. Je ne pourrai pas faire le cours et le frère Abdurrahman va faire le cours Inch'Allah. D'accord? Ou bien le frère Sadak. Voyez. Naam. Et probablement que je vais voyager, je vais m'absenter pour quelques jours à partir de samedi. Inch'Allah ta'ala pour Maza, accompagner ma mère au Mali et l'enterrer dans sa ville natale. أسأل التوفيق والسداد أسأل يوفقنا إلى إصابة السنة في كل شيء الله عز وجل فاسيليت cette épreuve qui nous a facilité et allégé qui nous facilite le chemin et l'enterrement et qui nous facilite le fait de faire toutes ces actions-là en conformité avec la sunna du prophète sallam qui nous éloigne de tout manquement dans cela. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vous avais dit de me rappeler une question. Allah Azza wa Jalla a fait que je m'en rappelle. Donc, celui qui est tombé dans ce grave péché, si c'est la sorcellerie ou la voyance, il a annulé son islam. C'est un cas à faire ça à Murtad. Ce qui lui incombe, c'est de se repentir, de regretter son action, d'arrêter. D'annuler le pacte entre lui et le djinn, lui et le shaitan, de reprononcer shahad, donc de renouveler son islam et d'avoir la ferme intention de plus retomber dans ça, même s'il se fait menacer par les shayatins, même si il lui nuise, quelles que soient les choses qui en découlent. Et s'il fait cela, Allah Azza wa Jalla accepte son repentir. Allah accepte son repentir. Quant à celui qui s'est rendu chez un sorcier, chez un marabout, et ainsi de suite dans sa jeunesse, s'il n'était pas moumayyiz, s'il n'avait pas l'âge de la distinction, il ne connaissait pas le bien, le mal, et que ce sont ses parents qui l'ont emmené, ou un tel qui l'ont emmené, il n'est pas responsable. Il doit détester cette chose-là. Et il doit aller conseiller maintenant sa famille. S'il était responsable, et qu'il est parti voir une personne, voici ce qu'il a eu. Pendant 40 jours, on n'a pas accepté sa prière. Il doit se repentir. Il n'est pas sorti de l'islam par le simple fait d'y aller, mais il est tombé dans un grand péché. Il doit se repentir. D'accord? Et il doit dévoiler cette personne. Et il doit mettre en garde contre cette personne. Ou aller voir quelqu'un de science pour lui dire, telle personne fait telle chose et telle chose et telle chose. Ces gens-là, il faut les dévoiler, il faut mettre en garde contre eux. Premièrement, on va avoir une personne de science qui va voir cette personne qui l'appelle au repentir. S'il se repent, alhamdoulilah. Même si on n'a pas confiance en ces gens-là. Dans le cas contraire, on le dévoile. On dit telle personne avec son nom de famille, son bâtiment, on le dévoile. Naam. Et on met en garde les gens contre cette personne. Et si vous avez connaissance d'une personne comme ça, dites-le moi. Et on va conseiller cette personne, s'il ne se corrige pas, on va le dire. Même sur le minbar, Afimushke. Et on va propager que cette personne-là a choisi le parti du shaytan et de se détourner du parti d'Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Parce que ces gens-là font du mal dans la communauté. Ils divisent, les sorciers divisent entre l'homme et son épouse. Ils font du mal. Ils donnent l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils méprisent ce qu'Allah a immensifié comme le Coran et beaucoup d'autres choses. J'ai oublié quelque chose? Non? Alhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat.